client du MR 5206 d'être partenaire et impliqué dans cette manifestation. Et je le suis au moins à deux titres. Le premier, c'est qu'effectivement, parmi les organisateurs de ce colloque, la figure des collègues qui jouent un rôle extrêmement important dans ce travail de recherche qui est rendu souvent difficile par une actualité brûlante et une actualité qui n'est pas toujours facile de comprendre. Et je dirais que c'est aussi un peu la marque de fabrique des clients que d'essayer d'articuler la recherche sérieuse, parfois difficultueuse, et de notre côté, une actualité qu'il faut interroger, qu'il faut tenter de comprendre. Je voudrais juste prendre un autre exemple qui montre à quel point ce travail me paraît extrêmement bienvenu. Nous avons, à l'occasion des événements qui ont secoué la France en 2013 et 2014, en 2015, pardon, à propos des attentats terroristes, nous avons eu l'occasion de lancer toute une activité de réflexion à chaud et en même temps en décalé autour du thème « Réfléchir après les événements ». Et cette actualité, elle nous importe parce que précisément, s'il y a une raison de faire de l'histoire de la pensée politique, c'est bien celle-ci que de mettre au service d'une intelligibilité plus grande du monde contemporain, des traditions et des recherches sur l'histoire. Donc, il me semble que ce colloque international, Femmes, Liberté et Grand Islam, correspond exactement à ce type de conjonction entre l'exigence scientifique d'une recherche sérieuse et en même temps une possibilité d'interroger de manière active, c'est-à-dire pas simplement pour les besoins de l'académie, mais aussi pour celui d'une forme d'émancipation, de transformation du monde, cette actualité. Il me semble que pour toutes ces raisons, le Triangle est un partenaire tout à fait légitime. Et à ce titre, je suis particulièrement heureux que Makram Abbès ait impliqué le laboratoire de cette manière. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un excellent colloque et de très très bons travaux. Je vous remercie.